La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! Voilà. C'est à moi. Je suis Marelle la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Céline Dion. Happy birthday to you. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes simplement extraordinairement magnifique. Alors, en son honneur, notre chronique du jour va porter sur le cinéma québécois, parce que oui, il existe d'autres films que ceux de Xavier Dolan. La poutine. Gaming. La poutine. Gaming. La poutine. Gaming. La poutine. Gaming. La poutine. Gaming. Gaming. Alors, c'est parti. Attache ta tuque. D'abord, il faut savoir que les Québécois sont très forts en documentaire. Ils font partie des pionniers en la matière, leur histoire du cinéma en est truffée, et ils possèdent un gros festival dédié au genre à Montréal. À commencer par les films de Michel Brault, Les Racketeurs en 1958, à ceux de Pierre Perrault, La Bête Lumineuse en 1982. Mais la fiction a aussi vraiment du bon. Oh yeah ! Alors en numéro 1, je vous conseille La Femme de mon frère de Monia Chokri, sortie en 2019. Pour rappel, Monia Chokri, c'est l'actrice dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan, celle qui dit « C'est sa mère ». Elle s'appelle Désirée. Là, il s'agit de son premier long-métrage en tant que réalisatrice et met en scène une jeune femme, Sophia, trentenaire, doctorante en philosophie, mais totalement paumée dans sa vie, qui vit avec son frère avec lequel elle s'entend comme cul et chemise jusqu'au jour où celui-ci va rencontrer quelqu'un et va lui sommer de partir. Suite à cette nouvelle vont s'enchaîner une farandole de situations cocasses, coups de gueule et introspection, des scènes d'un humour très fin qui nous font passer un moment de régal. Je vous laisse écouter la bande-annonce pour vous faire une idée. Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre? Oui. Et c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça? Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport? Pas mal, quand même. Donc, c'est votre petite amie qui va vous accompagner après l'intervention? Non. Oui. Non. Oui. Enfin, je suis son frère. C'est-à-dire que c'est ma soeur. Non, je suis sa soeur. Tu devrais sortir avec une femme comme elle au lieu de dater des folles. Elle est parfaite. Mais là... Eh oui. Pis, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide au lit. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non. Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire. C'est correct. J'héberge ma sœur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie. Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants? Comme si on était en pénurie d'êtres humains. Non. Bonne soirée. Tu es, disons, surqualifiée pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise. Et en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine. Aimerais-tu fumer de la drogue? En numéro 2, il faut voir ou revoir Starbuck de Ken Scott, sorti en 2011. Starbuck, c'est l'histoire d'un type qui fait plein de dons de sa semence à une banque de sperme et qui se retrouve être le père de 533 enfants, dont 142, qui cherchent à connaître son identité. Une vaste comédie bien dosée aux punchlines récurrentes, Starbuck est un film qu'il est bon de regarder pour une bonne partie de rigolade. Oh yeah! En numéro 3, je vous suggère Crazy de Jean-Marc Vallée, un teen movie très touchant qui se déroule dans les années 70 au sein d'une famille peu banale, dans laquelle Zach, Benjamin de la famille, voue une admiration inconditionnelle pour son père auprès duquel il a du mal à faire son coming out, et se réfugie donc dans la musique des Pink Floyd ou celle de David Bowie. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. To leave. dumb to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong, can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Tu finis de te prendre cette astuce de fif-là. Hein? Tu me fais passer pour une gang de caves, là. Et puisqu'on est sur le cinéma de Jean-Marc Vallée, je vous recommande vivement l'excellent Dallas Buyers Club, très américain cette fois, dans lequel Matthew McConaughey joue un cow-boy atteint du VIH. C'est fort, c'est beau et c'est marquant. Oh yeah! Dans un autre registre et pour terminer avec le cinéma québécois, il faut voir tous les films de Denis Villeneuve, un très grand réalisateur avec une filmo assez internationale. Coup de cœur pour Incendie et Prisoners. Et puis ne boudons pas notre plaisir, le confinement c'est aussi l'occasion de revoir la filmographie de Xavier Dolan, dont je lui fais pas entièrement la gueule même si ses derniers films m'ont un peu déçu, mes préférés étant Lawrence Anyways et Mommy. Alors petit extrait de la plus belle scène de Mommy. C'est très connu. Ouais, il chante, c'est notre trésor national, esprit. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Citez-moi un film dans lequel on entend du Céline Dion. Le gagnant recevra le droit de lui téléphoner. Oui, j'ai le num de Céline. Oh yeah! En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, perfectionnez votre accent québécois, mangez de la poutine, écoutez Raspoutine, ne devenez pas pote avec Poutine, et surtout, restez branchés sur Radio Boncon, la radio des boncons. La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais? Tu veux dire, t'es vêtement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Lutin, lutin, malin, pestil. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Ah, c'est franchement.